Le maire avait regardé la pendule, et à cette estime, le baron paraissait avoir passé 40 minutes chez Lisbeth. L'air joyeux de Hulot incriminait gravement Hector, Valérie et Lisbeth. « Je viens de la voir, elle souffle horriblement, la pauvre fille, » dit le baron. « La souffrance des autres fait donc votre joie, mon cher ami, » reprit aigrement Crevel, « car vous nous revenez avec une figure où la jubilation rayonne. Est-ce que Lisbeth est en danger de mort? Votre fille hérite d'elle, dit-on. Vous ne vous ressemblez plus. Vous êtes parti avec la physionomie du mort de Venise, et vous revenez avec celle de Saint-Preux. Je voudrais bien voir la figure de Madame Marneff. » « Qu'entendez-vous par ces paroles ? » demanda M. Marneff à Crevel, en rassemblant ses cartes et les posant devant lui. Les yeux éteints de cet homme décrépit à 47 ans s'animèrent. De pâles couleurs nuancèrent ses joues flasques et froides. Il entr'ouvrit sa bouche démeublée aux lèvres noires, sur lesquelles il vint une espèce d'écume blanche comme de la craie, et caséiforme. Cette rage d'un homme impuissant, dont la vie tenait à un fil, et qui, dans un duel, n'eût rien risqué là où Crevel eût eu tout à perdre, effraya le maire.